Bon, alors François, c'est un coup de gueule. Avant qu'on passe ton coup de gueule et qu'on discute avec Aurélien, tu voulais peut-être parler des nudistes, t'as peut-être quelque chose à dire là-dessus. Voilà, qu'est-ce que je voudrais, c'est que tu téléphones à M6. Voilà, donc parle à mon cul, ma tête est malade. J'étais en train de dire qu'avant qu'on passe ton petit coup de gueule sur M6, peut-être que t'avais des précisions à nous donner sur les nudistes ou pas, non? Attends, t'en as fait? Tu t'es déjà mis à poil? Oui, je me suis déjà mis à poil, mais dans ma salle à manger. Hein. Oui, mais t'as été nudiste dans ta salle à manger, donc. Malou. Jamais. Qu'est-ce que tu fais à poil dans ta salle à manger? Bah, de temps en temps, quand tu sors de la douche, quand le téléphone sonne, quand t'es en train de te laver, ouais. Automatiquement t'es à poil. Hein. Donc t'as le gant, t'as le gant, t'as tout. Le savon? Le savon, t'as tout. Alors t'es obligé de t'arrêter pour répondre à un téléphone. Bah tu peux laisser sur le répondeur, t'es pas obligé non plus de sortir un poil avec du savon plein de l'arrière pour aller décrocher. Oui, mais ça dépend si c'est mon petit copain. Non, mais comment tu peux le savoir? C'est en fonction de la sonnerie de téléphone que t'arrives à deviner si c'est un petit copain ou si c'est quelqu'un d'autre? Non, mais si c'est Gilbert, automatiquement... Et si c'est René? René, bon, je m'en fous, moi. Ouais, René, elle s'en fout. Non, mais René, c'est son fils, hein. Ouais. Voilà. Bon, alors Aurélien, très sérieusement, on va discuter ensemble. Françoise peut-être peut nous accompagner, comme ça on sera pas trop de deux. Ouais. Comme Françoise connaît bien le monde des garçons qui n'ont jamais eu de relation sexuelle, Aurélien, 15 ans, Toulon, t'es puceau, tu voudrais avoir des conseils pour être puceau. C'est pas évident, parce que des puceaux, c'est pas évident. Hein. Alors, Aurélien qui n'a toujours pas posé la question, Françoise va lui donner tout de suite la réponse à la question qui n'a pas été posée par Aurélien. On t'écoute, Françoise. Est-ce que de temps en temps, quand tu te laves, est-ce que tu te branles? Ah, elle est en train de répondre à une question qui n'a toujours pas été posée, hein. Ça c'est Françoise, hein. Réponds à la question. Non, peut-être pas dans le bain, non, je sais pas. Pas dans le bain. Non? Non. Alors, docteur Françoise? Est-ce que de temps en temps, t'as du sperme qui coule la nuit? Non, pas de cette façon. Question suivante. J'ai l'impression d'être dans un jeu télé, tu sais. Oui. Est-ce que le schmilblick est blanc? Non, mais attends, je suis en train de chercher les réponses et les questions. Ouais. Les réponses et les questions. Donc c'est un puceau, il a jamais couché avec une fille. C'est une bonne réponse, bravo, oui, Françoise. Vous avez donc gagné une boîte de jeu, une tringle à rideau avec des volets violets. Bravo. Question, oui. Et donc, pour en conclure, Françoise. Est-ce qu'il est attiré par une fille? Oui, non, mais ça va, j'ai pas des tendances gay, quand même. Non, non, parce que t'es attiré par une fille, que ça veut dire que t'as des tendances gays, ça veut dire que t'as des tendances hétéro, ce qui est plutôt bien, non? Oui, c'est plutôt, oui. Bon, alors? T'es plutôt attiré par les filles ou par les mecs? Non, les filles, évidemment, les filles. Radio-Aide, tout de suite sur Fun Radio avec...